Chapitre 9. Travelling avant, extérieur jour. Une Lancia remonte lentement une longue allée couronnée d'un dé de verdure qui n'arrête cependant pas la pluie. Il fait sombre là-dessous et la voiture cahote dans les trous d'eau. De chaque côté, la forêt forme un fouillis de bois, de ronces et de branches, où l'on devine d'inextricables profondeurs où règne une pénombre perpétuelle. Au fond, la demeure, l'antre, la tanière de... Elle fut surprise. Elle s'était attendue à un portail, une clôture, une maison de gardien. Mais la bâtisse, à la façade couverte d'un lierre qui tremblait sous la pluie battante, était simplement séparée des bois par une étendue de gravier. Elle se gara devant en faisant crisser les gravillons sous ses pneus, sentit l'humidité sur sa peau en descendant. C'était une pluie chaude, une pluie d'été, qui criblait en bruissant la voûte des feuillages derrière elle, levant des odeurs de végétation. Personne en vue. Elle se demanda si elle était vraiment attendue, si Delacroix n'avait pas oublié leur rendez-vous. Le regard de Judith balaya les fenêtres. La demeure était vaste et ancienne, mais sans rien qui la distinguât de dizaines d'autres semblables construites dans la région, et pas âme qui vive. Qu'est-ce qu'il fiche? Il a dû m'entendre arriver pourtant. Ou peut-être pas, après tout. Elle capta des pas sur le gravier mouillé, dans son dos, se retourna. Sous l'averse, une silhouette. Une grande femme vêtue d'une cape de pluie sombre, ruisselante, perchée sur des cuissardes à talons, qui tirait sur la laisse de deux molosses aux poils noirs et fauves et au corps musclé. Et elle pensa aussitôt à la première apparition de Barbara Steele dans Le Masque du Démon. La femme s'arrêta à 2 mètres d'elle, les chiens à moins 1 mètre, leurs petits yeux braqués sur Judith. Sous la capuche, un beau visage encadré de cheveux bruns, des traits presque trop parfaits, qui auraient pu être ceux d'un mannequin, se dit-elle, avec quelques années de moins. « Bonjour, » lança-t-elle. « Je m'appelle Judith Talandier, je suis étudiante en cinéma. J'ai rendez-vous avec M. Delacroix. » La femme la fixait, méfiante. « Vous êtes sûre? Ce n'est pas dans les habitudes de Morbus de recevoir des inconnus, encore moins des étudiants. » Elle ne faisait aucun effort pour paraître sympathique. « Elle me prend pour un de ces fans prêts à tout pour approcher leur idole. Un de ces stalkers qui pourrissent la vie des célébrités, » se dit Judith. « Nous avons échangé par mail, » déclara-t-elle, consciente d'avoir rougi. « Nous étions convenus de... »« Oh !» l'interrompit la femme en la toisant. « Vous avez échangé par mail. Morbus échange beaucoup, mais il reçoit très rarement en dehors de ses amis. Si c'est le cas, vous avez de la chance, mademoiselle. Je vais voir s'il est occupé. Venez vous mettre à l'abri. » Elle grimpa à la suite de la femme et des chiens. Les marches de pierre incurvées par des siècles d'usage se retrouva dans un vestibule lambrissé de bois très sombre où la lumière n'entrait qu'avec parcimonie. Au fond, une porte ouvrait sur un couloir traversé de clarté grise par où la femme et les chiens disparurent. Judith sentit que son sang circulait plus vite. Ce n'était qu'une question de minutes avant qu'elle se retrouve face à lui. Combien de mois, d'années qu'elle attendait ça? Son attention fut attirée par les boiseries. Des sculptures de bas-reliefs, des scènes bibliques, des saints, des démons. Saint-Georges terrassant le dragon. Jésus au désert. En les voyant, Judith pensa à l'entrée d'une chapelle d'une très vieille église. D'ailleurs, elle devait provenir d'un édifice religieux. Elle entendit des pas. « Qu'est-ce que tu vas lui dire ?» se demanda-t-elle en proie à un début de panique. « Tu aurais dû y réfléchir avant, ma belle, il va sûrement te tester. » Puis, il apparut. Elle le fixa sans bouger, le souffle court brusquement. La première pensée qui lui vint à l'esprit fut qu'il était encore plus petit que sur les photos, bien plus petit en vérité que la femme debout à côté de lui. Il avait un très curieux visage pâle, aux traits osseux, mais à la bouche charnue, au nez fort. Un visage, oui, magnifiquement laid, des yeux de mica noir, brillant, une pâleur extrême. un visage de faune, de satyre, une tête de démon, pensa-t-elle, qui en outre ne fournissait aucune indication sur son humeur. Il porte un masque avec les inconnus, c'est un moyen de défense. Il était difficile de lui donner un âge précis, même si elle le connaissait, 46 ans. « Bonjour, » dit-il. Une voix douce, nasale, presque androgyne, qui, comme ses traits, ne fournissait aucune information sur son humeur. Ses yeux, en revanche, brillaient, tandis qu'il l'observait, d'une intensité presque incongrue, et elle se dit que c'était les yeux les plus noirs qu'elle ait jamais vus. Des iris immenses, couleur charbon, comme s'il n'avait pas de pupilles, à tel point qu'elle se demanda s'il ne portait pas des lentilles de contact. « Bonjour, monsieur Delacroix, » dit-elle. « Je m'appelle Judith Talandier. Nous avions rendez-vous ce matin. » Il continuait de la fixer, sans acquiescer ni démentir. Ses paupières battirent cependant, pareilles aux ailes membraneuses d'un insecte, et elle sentit un courant électrique circuler sous sa peau. « Je vous ai écrit, » précisa-t-elle. « J'étudie l'esthétique du cinéma dans le département de lettres modernes de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vous vous souvenez ? Je prépare une thèse qui s'intitule « Montrer le mal, cruauté et transcendance dans le cinéma de Morbus Delacroix. Et je suis une de vos plus grandes fans. » « Bravo, songea-t-elle, avec cette dernière phrase, tu viens de ruiner ta crédibilité, ma belle. Je suis une de vos plus grandes fans. Génial !»« L'esthétique du cinéma ?» releva-t-il après une interminable seconde de silence. « Montrer le mal ? Voilà une des choses les plus absurdes que j'ai entendues depuis longtemps. Oui, je me souviens de nos échanges. Je ne me souviens pas, en revanche, de vous avoir invité à me rendre visite. » Je devais être défoncé. Elle sentit son courage la quitter, telle l'eau fuyant au fond de la bombe d'un évier. Pendant un instant, elle n'entendit plus que le tam-tam vaudou de son cœur. « Je... » commença-t-elle. « Votre film est préféré ?» l'interrompit-il glacial. Prise de court, elle hésita. « Le monstre. » Son regard se durcit. « Je ne vous parle pas des miens !» la rabroua-t-il vertement. « Votre film préféré en général, tout genre confondu ?» Elle en eut le souffle coupé. Elle faillit répondre qu'elle avait vu des centaines de films et qu'il était difficile d'en choisir un, mais elle comprit instantanément qu'il n'aimerait pas du tout cette réponse. Réfléchie. Soudain, elle se rappela ce qu'il avait déclaré dans une de ses dernières interviews, à l'époque où il en donnait encore, que ses deux films préférés étaient... « Orange Mécanique et Thirst, ceci est mon sang. Orange Mécanique, bredouilla-t-elle. » Un petit rictus fendit le masque. « Un autre, » exigea-t-il. Elle vit le piège. « Il n'attend certainement pas de moi que je le caresse dans le sens du poil. » Dans cette même interview, il avait aussi déclaré détester Fellini. « Quel amateur de cinéma peut détester Fellini ? » s'était-elle demandé en l'écoutant. « Vitelloni, » répondit-elle. « Pourquoi ?» voulut-il savoir, intrigué. Visiblement, elle avait réussi à éveiller sa curiosité. « Parce qu'on a tous connu une bande comme celle-là. » Son rictus s'élargit. « De la même façon qu'on a tous notre Rosebud, hein ? Je déteste Fellini, » asséna-t-il. « Je sais, c'est mon réalisateur favori, après vous. » Il lui lança un regard à la température de l'azote liquide. « Vous n'obtiendrez rien par la flatterie !» siffla-t-il. Ces derniers mots firent sur Judith l'effet d'une douche glacée. Tout à coup, elle en eut assez de ses grands airs et de ses piques, assez de son ton méprisant, assez de ce petit jeu de directeur des ressources humaines sadique. Ça suffit. Elle n'allait pas s'humilier davantage. « Va te faire foutre, Morbus Delacroix !» « J'ai l'impression que je vous fais perdre votre temps, » déclara-t-elle. « Je vais vous laisser. » Et sans attendre, elle tourna les talons. Elle avait déjà atteint le seuil de pierre et s'apprêtait à courir sous la pluie jusqu'à sa Lancia, quand, derrière elle, un grand rire s'éleva qui se termina par une toux de fumeur. « Attendez ! Revenez ! » brailla-t-il. « S'il vous plaît, ne soyez pas si susceptible !» Il avait changé de ton, plus conciliant, presque navré. Elle fit volte-face. Il eut un geste d'excuse, ou du moins un geste qu'elle interpréta comme tel. « Je vous demande pardon. Vraiment, Judith. J'ai bien peur de ne pas avoir de surmoi et toutes ces conneries freudiennes. » Morbus manque de manières, c'est indiscutable, confirma la femme à côté de lui, qui avait laissé l'échange se dérouler sans intervenir. Ses parents ne l'ont pas éduqué comme il faut. Il eut un petit rire sardonique, de nouveau conclu par une toux sèche. Mon père m'a fait fumer ma première cigarette à l'âge de 9 ans et boire mon premier verre d'alcool l'année suivante, précisa-t-il en hochant la tête d'un air un brin amusé. « Moi, j'appelle ça une vraie éducation. Qu'il faisait entrer à coups de taloche, ça va sans dire. Il me battait comme plâtre quand il était saoul, puis il s'endormait. Je suis un cliché ambulant, je le crains, Judith. » Quand il a eu 18 ans, Morbus lui a collé sur la joue le fer à repasser brûlant de sa mère, et il est parti de la maison, ajouta la femme en souriant. « On ne dirait pas comme ça, mais il est très méchant. » Cela le fit sourire. « Ça sentait le poulet grillé et la joue de mon père fumait, » ajouta-t-il. « Vous auriez dû voir sa tête. » Judith connaissait l'histoire. Elle savait tout ce qu'il y avait à savoir sur Morbus de la Croix, mais elle fit semblant d'être aussi étonnée que divertie. La femme retira sa capuche et lui tendit sa main gantée de cuir. Judith fut surprise par la force de sa poigne. Elle était encore plus belle sans sa capuche. L'éclat de sa sensualité, la puissance de ses iris verts sous ses sourcils effilés, et brusquement elle l'a reconnue. Elle l'avait vue dans tous les films de Delacroix, cette actrice brune qui ne jouait jamais les premiers rôles, mais qui interprétait l'adversaire, l'ennemi, la servante du diable, la femme vampire, la complice du tueur. Son rôle le plus important était dans Erzsébeth, film inspiré de la comtesse hongroise Erzsébeth Báthory, la comtesse sanglante, dont la légende disait qu'elle se serait baignée dans le sang de ses victimes, de jeunes vierges, pour conserver une jeunesse éternelle. Judith se souvint qu'elle y jouait la conseillère d'Erzsébeth, qu'à la fin du film elle était accusée d'être une sorcière, lapidée et finalement brûlée vive par les villageois. Elle s'appelait... « Je suis Artemisia », dit la femme d'une voix chaude et grave. L'épouse de Morbus. Si on invitait cette jeune personne à entrer, chérie,